Bon, allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Radio Campus. Lille. 106,6. FM. Contre-culture. Random. Random. Émission radiophonique. Un dimanche sur deux. 19-20h. De l'information. De 19h à 20h. Radio Campus. Lille. C'est random. 106,6 MHz. 106,6. Hacker. Du groupe Dégénéré Science Lille. Sur Radio Campus. Un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des Entech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus, c'est l'heure de Random, la numéro 23, et ce soir nous sommes trois pour parler des petites choses habituelles. Donc bonsoir Little Charlie. Bonsoir. Bonsoir DB. Bonsoir, et Martigan à la technique. Voilà, comme d'hab. Donc ce soir, nous allons parler de quoi ? Donc, on fera un petit tour des actualités locales. On parlera de la vidéosurveillance à Marcq-en-Barœul. On verra un peu comment oriente son budget, le budget de la mairie de ville, la mairie de Lille, pardon, en achetant des tables tactiles chez Microsoft. Et on verra aussi que le groupe Dégénéré Science Lille, bah c'est nous ça. C'est nous ça, ouais, tout à fait. Organise une crypto-party au Centre Culturel Libertaire le samedi 25 septembre. Et le jeudi, il y aura aussi une sex-party, à ne pas confondre avec une sex-party. Donc un endroit encore à déterminer. Donc le mieux, c'est de nous envoyer un mail à notre adresse de contact, passer sur Silk. Ou tout simplement la liste de diffusion, lille@dg-cpang. Mais on en reparlera après. Voilà. Après, on fera un petit tour sur la censure et filtrage internet et neutralité des réseaux. On parlera notamment de la LOPSI, hein, comme d'habitude. Et de France Télécom. Et de France Télécom, France Télécom ouais. que les habitués de l'émission. Ensuite, notre petite rubrique lutte contre le partage d'informations. On trouvera peut-être un meilleur titre plus tard, mais on verra. On parlera de l'Adopi. Adopi, comme d'hab, en fait, on voit là. Et de Acta aussi, hein, son petit frère. Voilà, de l'Acta. Et on verra aussi... Son grand frère, plutôt. Oui, parce que là, c'est un grand Big Brother of the Adopi. Voilà, on verra aussi un petit peu, du côté de la Suisse, ce qui s'est passé à propos d'une société. Enfin, on verra tout ça. Voilà. Ensuite, n'ayez pas peur, faites-nous confiance. On verra qu'il y a un monsieur de la police qui a écrit un bouquin où il balance pas mal de choses. Et on parlera des RFID qu'on a eu la bonne idée de mettre dans les fringues des enfants dans une crèche, histoire de voir quand ils partent. Et voilà. Ensuite viendra le temps du dossier, donc cryptographie des supports de stockage. On fera un petit tour des solutions qui existent sur différents systèmes d'exploitation. Et ensuite, ce sera l'agenda, tout ça entrecoupé de petites pauses musicales. Et ce sera bon de notre petite heure d'émission. Notre petite heure d'émission, ouais, tout à fait. On va commencer tout de suite par l'actu locale. Alors, l'actu locale, on commence avec Marcq-en-Barœul où ces dernières semaines c'était assez chargé. À la fin du mois d'août, il y a eu dans le journal local Image de marque un troll entre majorité et opposition donc sur la vidéosurveillance. Parce que pendant l'été, Marcq-en-Barœul s'est doté de 23 caméras de vidéosurveillance. Dont certaines connectées par radio, donc pour les radios amateurs, amusez-vous. Hein. Et donc, qu'est-ce qui est filmé, est-ce que ça peut filmer les salons ou pas, parce que notamment Croisé la Roche, il y a des caméras rotatives, des dômes, donc il y en a qui craignent pour leur vie privée, parce que le salon c'est pas forcément public. Donc derrière il y a eu le meurtre d'une le viol et le meurtre d'une joggeuse marquoise. Je pense pas qu'il ait violé. C'est une tentative de viol. Ouais, je crois, ouais. Pareil. Oui, bon. C'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas ce détail-là qui est important. Attends, qu'il t'attaque en diffamation pour l'avoir attaqué, pour avoir traité de violeur, tu vois. C'est pas donc ce détail qui est important, c'est surtout le fait que derrière en comité de quartier. Donc hier ça a été repris comme un argument pour vraiment tout filmer parce que voilà, là, il n'y a que 23 caméras, il n'y a eu aucun détail. En fait, c'est un témoignage qui aurait permis de, donc, de, d'isoler la, la personne et de la retrouver. Donc là, il faut vraiment surveiller tout le... Tout marque en barre, hein, mettre des caméras partout, 2000 caméras, parce que là, c'est pas assez, 23, ça... Voilà. Ouais, c'est vraiment... Oh là, la mairie de marque en barre se fout de notre gueule, quand même. Que 23 caméras. Et donc, bon, tant qu'on parle de budget et d'équipement, bah, on va peut-être enchaîner sur la mairie de Lille, qui achète pour 1 million d'euros de tables tactiles à Microsoft. Donc c'est les tables Microsoft Surface. Donc 100 tables à 10 000 euros chacune, donc voilà. Bon. Ça fait 1 million d'euros, ouais. Tranquille. Donc ça va équiper principalement la mairie et d'autres lieux, et ça sera pour l'accueil du public, en fait, pour donner des petites informations de façon ludique au public qui vient à la mairie en attendant bah, d'avoir un permis de construire ou pour la cantine, tout ça, bon bref. Ou qui vient acheter sa carte RFID pour le métro. Et voilà. Tant qu'à faire. Et donc, en fait, ces tables... en fait, c'est un peu bizarre, ce choix de tables Microsoft à 10 000 euros chacune, alors qu'on sait faire des bornes tactiles pour 3 000 euros... qui aurait d'ailleurs pu être fait à base de logiciels libres, pointé sur des informations OpenStreetMap avec quelques scripts sympas pour faire une recherche sur où est-ce qu'il y a tel resto, où est-ce qu'il y a tel service public. Mais non, on s'enferme dans une technologie très fermée, très propriétaire, et un produit qui ne se vend pas. Surface, le prix même de la machine fait que ça ne s'est pas très bien vendu. Bon. On connaît la sympathie personnelle du premier adjoint qui a appuyé un peu sur ce dossier-là avec les dirigeants de Microsoft. On ne fera pas donc le raccourci de dire qu'il y a peut-être... Ouais, alors on rappellera quand même que Pierre de Saint-Ignon nous a quand même confié pendant la manif sur les retraites, on était allé tracter sur la LOLOPSI, enfin contre la LOLOPSI. Un tract qu'on vous lira tout à l'heure. Un tract qu'on vous lira tout à l'heure, effectivement, quand on parlera de la LOLOPSI. Quand même, Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire, c'est celui en fait qui est pressenti pour prendre la mairie de Lille à Martine Aubry si jamais Martine Aubry est appelée à d'autres fonctions plus hautes en 2012. Et il est vice-président du conseil régional en charge des nouvelles technologies. Et donc cette personne nous a quand même dit texto, et ça c'est énorme, c'est une exclue random. En ce qui concerne les nouvelles technologies, je ne suis pas compétent. Fin de citation. C'est quand même gigantesque. Bah, au moins, pour une fois, de la part d'un personnage politique de premier plan, on a quelque chose d'honnête au moins qui dit. Je ne suis pas compétent. C'est à rajouter en fait à la longue liste des grandes citations de Pierre de Saint-Ignon, qui a quand même déclaré au sujet des fibres optiques pour expliquer que la mairie de Lille ne ferait rien, ne ferait aucune mesure incitative concernant l'établissement de fibres optiques sur l'Eurométropole lilloise. Il a quand même déclaré, en ce qui concerne les fibres optiques, le marché répondra à la demande. Ce qui est quand même énorme pour expliquer, et voilà, qui, rétrospectivement, quelques années plus tard, explique pourquoi on n'a toujours pas de fibre optique dans l'Eurométropole lilloise. Donc voilà. On va continuer peut-être donc après avoir ces deux superbes exclus random sur l'information locale, que le groupe des Générations Lille, donc nous, organise sa première crypto-partie au Centre Culturel Libertaire le samedi 25 septembre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crypto-partie ? Eh bien, c'est en fait sur le même modèle que les install parties qu'on connaît bien dans le milieu libriste, où vous venez avec votre ordinateur et on vous installe Linux. Bon, ben là, vous venez avec vos questions, vos idées et éventuellement votre matériel pour discuter de techniques d'anonymat, de protection des données personnelles et de chiffrement et de cryptographie et de moyens sécurisés et moyens de communication sécurisés. Le but du jeu, en fait, est pour nous déjà de faire passer un petit peu les idées du mouvement à cœur auprès d'un public, d'un public plus ouvert et extérieur au mouvement. Et deuxièmement, également, commencer un petit peu à diffuser les techniques, les bases et les techniques qui sont utilisées en fait pour se mettre un peu à l'abri de la surveillance d'État, du filtrage et de la censure d'Internet, etc. C'est quelque chose qui est vachement important pour nous parce que au niveau de la LOPSI, voilà, on va avoir une censure d'Internet en France, on va en reparler en long, en large et en travers, on en a déjà parlé depuis presque un an maintenant. Voilà, donc nous, on met en place la première crypto-partie. Vous pouvez venir, et puis éventuellement avec votre matériel, et dans ce cas-là, on vous installe des logiciels de chiffrement, des logiciels d'anonymat. On vous explique comment on les fait fonctionner. Et puis, si vous venez sans votre matériel, et au moins, on pourra discuter là-dessus, comprendre comment et pourquoi ce type de technique est à utiliser quand même, et pourquoi est-ce qu'on on essaye d'en généraliser l'usage le plus possible. Et ça se passera au Centre Culturel Libertaire, donc c'est au niveau du 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes. La rue de Colmar, en fait, c'est la deuxième rue à droite, quand on remonte la rue des Postes en sortant du métro Porte des Postes. C'est en face d'une église, vous pouvez pas le rater. Et voilà, donc on vous attend toutes et tous le samedi 25 septembre. Et dans la même veine, il y aura donc une six parties, un atelier autour des technologies IPv6, le routage, peut-être le MIPv6, donc mobile IP, donc l'IP mobile, l'utilisation courante d'IPv6 pour ceux qui n'ont pas encore osé y passer. D'autant plus que ça peut être intéressant mis en perspective avec l'atelier sur le chiffrement. Donc au CCL, de pouvoir router ses propres réseaux IPv6 au travers de VPN et de faire un darknet. Voilà. Donc ça sera fait donc ce jeudi, donc jeudi 16, certainement, soit sur Lille, soit sur Marc. Mais donc vous pouvez nous contacter donc via les canaux habituels sur Silk, par mail sur la liste. Ou au niveau perso, si jamais vous nous voyez, et puis on va tâcher de s'organiser comme ça. Ça fait 10 minutes qu'on parle, est-ce qu'on passe un petit peu de musique? C'est possible. Ou bien est-ce qu'on continue à parler? Non, ouais, limite. Un petit peu de musique? Un petit peu de musique, puis on se trouve après. Donc vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus, c'est Random, donc 106.6 FM. Et vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 0320 91 24 00. Super. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random. Toi arrêter, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible, on a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il a un gland dans la main! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland? Un dimanche sur deux de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6 MHz. Voilà. Donc, vous venez d'écouter... attendez, bougez pas, je trouve ma feuille et je vous dis ça. Donc, c'est The Beacon par Nathan Meunier. Et voilà. Donc, nous allons continuer sur censure, filtrage internet et neutralité des réseaux avec un petit tour sur la LOPCI. Oui, alors donc la LOPCI, la loi de... Bon, loi d'orientation et de machin sur la performance et la sécurité intérieure. Oui, donc c'est une, bah, c'est une loi sur la criminalité qui touche un peu à tout, bah, à la sécurité intérieure. Donc ça va donc, des mesures pour les chauffards, des inhumations dans les cimetières, ça parle de vidéoprotection. Bah, c'est, bref. Des squatteurs. Bref, donc ça touche un peu à tout. Donc y a, nous, on s'est surtout intéressé donc, à l'article 4, qui touche aux libertés d'Internet, hein, ouais. aux libertés là-dessus. On a publié un tract, en fait, qu'on avait commencé à diffuser au niveau de... pendant la braderie de Lille, hein, donc un événement populaire... dans lequel on peut se permettre de rencontrer un public un peu plus vaste que celui habituel, hein, qui est le public vraiment populaire, des gens qui passent dans la rue et qui cherchent un petit peu ce qui se passe pendant la braderie. On a publié un tract, en fait, donc, qui se titre donc, « Ni filtrage ni censure, nous voulons un net neutre, libre et ouvert ». Le gouvernement français, via une nouvelle loi sécuritaire et liberticide, veut censurer l'accès au réseau Internet. Nous devons refuser en bloc cette politique moyenâgeuse sous peine de nous faire enfermer dans un net filtré. La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, l'OPCI, est un vaste projet de loi concernant à la fois la sécurité routière, l'intelligence économique, le renseignement, la vidéosurveillance et le réseau Internet. Alors, il faut nous appeler en fait quand on est pendant les pauses musicales, s'il vous plaît, pas pendant qu'on est en émission, parce que sinon, ça sonne. Et c'est très dérangeant pour les personnes qui font l'émission. Donc, alors, je continue. Donc, la LOPCI est un vaste projet de loi concernant à la fois la sécurité routière, l'intelligence économique, le renseignement, la vidéosurveillance et le réseau Internet, avec un plan de financement de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans, 2009-2013. Concrètement, ce projet prévoit 1. La répression des délits d'usurpation d'identité et d'atteinte à la réputation, soit un grave retour en arrière de la liberté d'expression. L'établissement d'une liste noire, donc 2. L'établissement d'une liste noire de sites web interdits de consultation depuis le territoire français, c'est-à-dire la censure gouvernementale d'Internet. 3. L'autorisation pour la police de procéder à l'installation de logiciels espions dans le cadre d'investigations portant sur les dossiers mafieux ou financiers, mais également en cas d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, commis en bande organisée. Il faut se rappeler que la censure d'Internet est déjà entrée en vigueur via la récente loi interdisant les sites de jeux d'argent en ligne non expressément agrémentés par une autorité de régulation. Sans bien sûr oublier la ridicule loi Hadopi. Tout cela montre à quel point ce gouvernement n'a rien compris aux enjeux réels des mutations sociales en cours. Tout cela montre à quel point il est crucial de défendre à tout prix l'immense progrès social apporté par les technologies de l'information. Ce gouvernement a peur d'entrer dans l'ère de l'information et il préfère bafouer nos droits fondamentaux plutôt que de reconnaître l'échec de sa vision dépassée. Aucune démocratie digne de ce nom ne peut tolérer de telles inepties et nous n'accepterons jamais de voir sacrifier nos libertés fondamentales sur l'autel de la peur. C'est signé du groupe Dégénéré Science Lille au mois de septembre 2010. Et alors, j'ai lu mon texte pendant que des personnes nous appelaient... Et n'arrêtez pas de nous appeler, je crois. Ah oui, donc, alors, ça concerne donc, l'actu sur la vidéosurveillance à Marc en Parole. Donc, il y a une personne qui nous a appelé plusieurs fois pour nous dire qu'on diffamait le maire, qu'on disait qu'il ne faisait rien, qu'il ne mettait pas assez de caméras. C'est pas du tout notre vision, en fait. C'est juste, on rebondit sur des comportements individuels de personnes qui voudraient qu'on mette plus de vidéosurveillance à Marc en Parole, que ça serait la solution à tous les maux. Notre position, c'est de dire que la vidéosurveillance, c'est pas une solution à tous les maux. Ça déplace des risques. C'est une techno de contrôle social. C'est surtout quelque chose de placebo pour répondre à des problèmes de délinquance, que ce soit sur des atteintes aux biens ou les atteintes aux personnes. Alors sur les atteintes aux biens, il y a eu des études qui ont démontré que la vidéosurveillance faisait baisser les atteintes aux biens. mais pour des atteintes aux personnes, en fait, ça ne change rien. Il y a eu notamment au début du mois de juin, en rentrant en tramway, j'ai malheureusement vu une personne de sexe féminin se faire agresser, se faire mettre des mains, et il y a juste, j'étais le seul à me déplacer, et j'ai rien su faire face à ça, mais ça au moins a fait arrêter les violences. Mais donc le tram était surveillé, était vidéosurveillé, ça n'a quand même rien changé. Et donc voilà, nous notre position c'est de dire voilà, la vidéosurveillance ça va rien résoudre, et c'est pas parce que voilà, il y a des personnes qui veulent absolument tout régler par la vidéosurveillance, notamment c'est en communauté de quartier samedi, il y avait des personnes qui avaient l'air plutôt favorables à une extension massive des caméras. Ça réglera rien. Voilà, on n'attaque pas le maire, on n'attaque pas On se bat contre des idées. Des idées et des comportements. Des hommes. Voilà. Pas contre des hommes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et puis, il faut surtout rappeler également que par rapport au terme de vidéoprotection, qui est vraiment. Oui, là ça fait le raccrochement avec la LOPSI, justement. La LOPSI, on rappellera quand même que la vidéoprotection, enfin la vidéosurveillance, ne protège pas. Elle surveille. Elle surveille, point barre. C'est un terme qui est apparu dans les salons genre Europrotect à Villepinte, où les industriels de la vidéosurveillance ont dit voilà, il faut qu'on fasse accepter notre produit. Donc on va aller voir des responsables marketing qui vont nous pondre un terme qui a donné la vidéoprotection. C'est ça, c'est un terme marketing pour faire accepter une technologie de contrôle social. Non, on ne peut pas accepter ça, et on ne peut pas accepter que les mairies localement autour de chez nous se mettent à utiliser ce genre de rhétorique, ce genre de discours, et puis également à mettre en place ce type de techno qu'on ne veut pas. On n'en veut pas dans nos villes, et on n'en veut pas ni dans nos villes ni ailleurs. Voilà, point barre. On va enchaîner sur la LOPSI. Et je t'en prie. Donc la LOPSI, comme on le disait tout à l'heure, est une loi un peu fourre-tout, puisque dans le détail, ça parle donc de couvre-feu pour les mineurs, de vidéosurveillance, de protéger l'identité de personnes qui travaillent pour le renseignement en français, de donner des labels à des sociétés pour faire de l'intelligence économique, sans quoi elles ne pourront plus exercer. Intelligence économique, c'est le nouveau terme pour espionnage industriel. Voilà. De simplifier les accès aux fichiers des empreintes génétiques et à d'autres fichiers, de faciliter les croisements entre les fichiers, de permettre de simplifier tout ce qui est enquête sur les ordinateurs. Donc en gros, on va légaliser des mouchards mis par le gouvernement pour contrôler le contenu de l'ordinateur. Donc voilà, c'est assez colossal. Sur le blocage, sur le filtrage de l'internet, il avait été décidé donc de filtrer les contenus donc pédophiles, en plus de ce qui se fait déjà, c'est-à-dire les casinos et certains sites révisionnistes qui sont déjà filtrés. Donc là, en fait, ça serait confié, ça aurait dû être confié normalement donc à l'OCTL Salis. L'OCTLCLIC, donc l'Office de centrale de lutte contre les dérives liées aux cybercriminalités, et aussi l'Office central qui a en charge des atteintes aux personnes, en fait. Ces deux organismes auraient dû être sous le contrôle d'un juge, en fait. Il y a un juge qui aurait dû dire « Bon, ok, là, c'est manifeste, c'est un site pédophile. » Voilà, il va être bloqué. Et donc là, il y a le Sénat, à sa rentrée parlementaire, qui a fait sauter Le contrôle par un juge. Ce qui veut dire que l'Office central va donc pouvoir, de son propre chef, ajouter des sites à une liste noire qui ne sera pas publique, à une liste noire confidentielle, et cette liste noire va être transmise derrière aux fournisseurs d'accès qui auront l'obligation de censurer l'accès à ces sites internet. Méthode chinoise. Ou australienne, je pense que c'est important de rappeler le cas de l'Australie, oui. Qui est un pays... pays démocratique, pays anglo-saxon. Qui a donc a mis en place un filtrage donc des sites à titre expérimental. Et on s'est rendu compte, puisqu'il y a la liste noire qui a fuité, on s'est rendu compte qu'il y avait manifestement des opposants de droite, de gauche, de tous bords politiques au filtrage qui se sont retrouvés eux-mêmes filtrés. Il y a eu des, des sites qui n'avaient rien à voir avec les contenus pédophiles qui se sont retrouvés filtrés, notamment un vendeur de pièces détachées néerlandais, un vendeur de pièces détachées pour camions qui s'est retrouvé filtré, on ne sait pas pourquoi. Des pages Wikipédia, ou tout bêtement ouais, les sites des opposants politiques, notamment des opposants au projet de filtrage. Donc voilà, donc au Sénat, ça a pas mal discuté là-dessus, et ça repart à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. En deuxième, troisième lecture à l'Assemblée nationale. Parce que c'était la deuxième lecture. De la même façon qu'Adopi, certains laissent planer déjà un risque de censure, puisque le Conseil constitutionnel pour Adopi avait dit que il pouvait pas y avoir de contrôle concernant la liberté d'expression sans l'action d'un juge. Mais c'est décidément, on n'arrête pas de nous appeler. On appelle pendant les plages musicales et pas pendant l'émission, s'il vous plaît. C'est horrible. Alors tu voulais dire également sur la censure. Toujours dans le cadre de la censure, on a France Télécom qui est connu pour parfois avoir des trucs un peu bizarres au niveau de ses contrats. Par exemple, un contrat où on vous dit que vous avez de l'internet illimité et vous avez par exemple pas accès aux mails. Ou alors le filtrage de certains ports XMPP, et là, on a quand même une bonne nouvelle. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais ça a l'air plutôt cool. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Il y avait un site qui s'appelait l'Observatoire du stress. Chez France Télécom, il y a... stress, il y a encore eu des suicides. Donc voilà. Et justement, pour éviter que ça stresse encore plus les salariés de France Télécom, donc le site de l'Observatoire du stress s'était retrouvé filtré chez France Télécom, donc les salariés n'avaient pas le droit d'aller sur ce site-là. Et donc ça a été à un moment découvert et ça a provoqué un peu d'air mou. Et donc finalement, le groupe France Télécom ne censure plus le site de l'Observatoire du stress. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et je pense que ça peut montrer que tout ce qui est censure et filtrage du net, ça ne concerne pas que les États, que la France, que l'Australie, mais aussi donc des groupes. C'est le doigt dans l'engrenage en fait, hein, de toute façon. À partir du moment où l'État déjà se permet de censurer l'accès à Internet en France, qu'est-ce que les grandes entreprises ou même les petites entreprises vont faire derrière? Ça justifie en fait toute cette démarche de censure et de couper l'accès à l'information, que ce soit dans le cadre du travail pour les salariés, que ce soit dans le cadre de la famille par rapport aux enfants, que ce soit dans le cadre d'associatifs ou autres, ou même dans un cadre politique, faire censurer l'accès au site web de l'opposant. C'est la nouvelle société de l'information version Sarkozy. On va continuer donc sur la rubrique donc sur le partage. Je pense qu'avec ces nombreuses coupures, on peut peut-être faire une petite pause parce que là, ça fait déjà 13 minutes qu'on parle. Ouais. On va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement après. On va passer un petit peu de musique. Et ensuite, on vous retrouve donc pour la partie sur la lutte contre le partage d'informations, Adopi, ACTA et tout ça. Et puis un dossier sur la cryptographie des supports de stockage. Et désolé en fait pour ces nombreuses coupures depuis tout à l'heure parce que vraiment là. On est harcelé au téléphone par quelqu'un qui nous en veut, manifestement. À tout de suite. Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Mes ordres à la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénérescence Lille. Quoi, tout de suite ? Oui, tout de suite. Voilà, donc vous venez d'écouter Sodium Sonnet par Trash AD. C'est de la pure chiptune, ça, pour le coup. Et nous allons retourner tout de suite notre petit sujet lutte contre le partage d'informations. Et on va parler d'Adopi. Ouais, donc vous avez remarqué qu'on essaye un peu de faire des rubriques pour essayer de casser un petit peu le rythme des news et d'essayer de rendre les choses un peu plus fluides, sauf que c'est quand on nous appelle pas pour nous agresser à propos de la vidéosurveillance, ça marque en barrel et tout. Lutte contre le partage d'informations, bien sûr en France, c'est l'Adopi hein, qui truste un petit peu tout le paysage médiatique là-dessus. Et justement, elle truste réellement, elle commence à vraiment justement communiquer et s'organiser au niveau de la communication. Par exemple, en fait, on a donc une interview sous forme de chat, en fait, c'est sur un site internet qui avait organisé un chat avec le patron, donc le SG de l'Adopi, monsieur Walter. Ancien conseiller TIC de Nicolas Sarkozy, qui toucherait donc environ 180 000 euros par an. Donc c'est chez La Tribune en fait hein, qu'il nous explique ça. Donc en fait il répond un petit peu aux questions de tous les internautes, de tous bords d'ailleurs. Hein, et il se refuse à tout commentaire sur le fond du débat parce que vous comprenez, la loi c'est la loi et lui il est en charge de l'application de la loi. Que la Adopi ça va marcher, c'est la méthode Coué pour essayer de nous faire croire que la Adopi va servir à quelque chose à part à cramer du budget de l'État en période de crise économique mondiale. Et donc voilà, donc en fait, c'est de la communication pure et simple, hein, essayer de nous faire croire que la Adopi ça va marcher, que de toute façon ça sert à rien de gueuler contre la Adopi parce qu'elle est là, elle a été votée, et voilà. Et puis également, on avait parlé du départ vraiment de la communication dans l'émission d'il y a 15 jours, c'était sur la fameuse distribution de tracts pro Adopi au niveau des péages autoroutiers pour les retours de vacances. Donc la Adopi qui commence à vraiment se faire méchamment, là ça commence à agacer les gens en fait, qu'il y a des anti-Adopi et qu'ils sont massivement présents sur internet, tout ça. Notamment en fait, il y a un service qui va être lancé, je crois demain en fait, le 13, à la cantine, qui est un truc qui s'appelle SOS Adopi. Donc SOS Adopi c'est quoi? C'est trois personnes. Donc un directeur de. Enfin le patron d'une plateforme de musique en ligne, le mec qui s'était fait virer de TF1 parce qu'il avait envoyé un mail à sa députée qu'il était anti-Adopi et s'était remonté jusqu'au ministère et finalement il s'était retrouvé viré de TF1. Et puis une troisième personne dont j'ai oublié la qualité. Et donc SOS Adopi, c'est un service payant, donc une entreprise en fait qui va qui prend pour but en fait de faire de l'argent sur l'ignorance des gens et donc de faire de l'expertise soi-disant sur les dossiers des personnes qui se feront gueuler par la Adopi. En gros, donc c'est une boîte qui va faire du fric sur le dos des gens qui savent pas comment ça marche la Adopi et savoir comment ils vont gérer le nouveau délit de négligence caractérisée, donc de l'obligation de sécuriser sa ligne. Et le problème, c'est que pour le coup, c'est une entreprise qui gueule contre la Adopi. Et il y a eu une contre-communication organisée par l'Adopi, suite à l'annonce du départ de SOS Adopi. Et en fait, en gros, ça dit quoi? Non, ne les croyez pas, la Adopi, ça va marcher, c'est sécurisé, au niveau de la loi, on est blindé, faut pas les écouter, c'est des charlatans. C'est assez rigolo, en fait, de voir ça. La Adopi qui traite d'autres personnes de charlatans, enfin, c'est quand même assez énorme. Et donc, en fait, le SOS Adopi, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que il commence à y avoir des moyens de contestation légale. Alors, la première des choses, en fait, c'est comment ça marche au niveau de la contestation. Alors, la chancellerie répond, en fait, à cette interrogation en publiant, en fait, en envoyant au procureur d'éviter au maximum les enquêtes sur la Adopi. Il y a une circulaire en ce sens qui a fuité, bien entendu, hein. Et cette circulaire, où les gens du ministère de la Justice expliquent au procureur de la République que quand ils voient passer des dossiers sur la Adopi, ça sert à rien de mener des enquêtes. De toute façon, les polices privées de l'industrie du divertissement font bien leur boulot, ils sont agréés par la CNIL, donc il n'y a pas de raison de mener des enquêtes réelles sur est-ce que les gens sont réellement coupables ou tout ça. On s'en fout un peu de la culpabilité. Il faut, comme pour les histoires de radar automatique, privilégier la réponse automatique, en accord bien entendu avec les intérêts de l'industrie du divertissement. Par rapport à ça, bon bah donc il y a SOS Adopi qui se propose en fait donc un service payant et donc un service économique d'aide aux victimes. Sur le plan juridique et sur le plan technique. Il y a des modèles de lettres gratuits pour se défendre contre la DOPI qui ont commencé à circuler sur Internet. PC Impact s'en fait l'écho, je ne sais plus le nom du site qui avait publié ça. C'était un site web, je ne connaissais pas trop, et puis voilà. Et puis également, il y a le recours déposé par FDN. Donc FDN, French Data Network, le plus ancien fournisseur d'accès à Internet en France encore en activité, qui avait donc demandé un recours en référé devant le Conseil d'État concernant les décrets d'application de la Hadopi. Ce référé a été examiné par le Conseil d'État le mercredi dernier, il me semble. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui pourrait geler. Si jamais ça passe, ça gèle complètement le développement et le déploiement de la Hadopi au niveau légal. Et donc en fait, bon, ben le Conseil d'État botte en touche et il renvoie sa décision à mercredi prochain, donc mercredi 15 septembre. Donc mercredi 15 septembre, on fait la fête au Café Citoyen si jamais le recours de FDN passe. Donc également au niveau technique. Ben, au niveau technique, bon ben voilà, il y a un test qui est en cours au niveau du filtrage. C'est-à-dire que bien entendu, Hadopi, c'est le cheval de Troie pour la Hadopi. Hadopi, c'est le truc où on va faire accepter aux gens la possibilité d'un mouchard gouvernemental, d'un logiciel espion gouvernemental sur l'ordinateur, qui va servir soi-disant à disculper les gens en disant non, le logiciel nous dit que vous n'avez pas téléchargé, donc on vous coupe pas Internet. Mais en fait, ce logiciel, dans son cahier des charges, comme on l'avait déjà expliqué, il y a la possibilité d'introduire des listes noires de sites internet qui seront bloqués. Autrement dit, vous payez un logiciel pour avoir moins d'internet. Ça, c'est en test. Et ça va également permettre de mettre en place la surveillance des paquets. C'est ce qu'on appelle la DPI, Deep Packet Inspection, donc inspection complète et systématique des paquets de données qui transitent sur le réseau. Donc voilà un petit peu pour la Hadopi, sachant qu'en fait sur ce dossier là la Hadopi, donc ça fonctionne en fait sur des polices privées mandatées par l'industrie du divertissement. Il y a en Suisse en fait une entreprise qui s'appelle donc Logistep AG, qui est une entreprise qui, bon, en Suisse ils avaient organisé un racket. Des éditeurs de logiciels, notamment de jeux vidéo, demandaient à des polices privées d'enquêter, de traquer les gens sur les réseaux. Ensuite, demandaient les correspondances entre les adresses IP, entre les noms et les adresses IP, les adresses réseau, au niveau du fournisseur d'accès. Le fournisseur d'accès les donnait. Ensuite, l'éditeur contactait pour réclamer du pognon et menacer de poursuite derrière et tout ça. L'entreprise a été s'est fait casser là en justice, puis quelque chose de bien, avec possibilité d'ailleurs d'une condamnation pénale ensuite, elle a quasiment mis la clé sous la porte hein, à ce niveau là. Rapidement sur ACTA, il y a une ACTA, le fameux traité donc pour durcir les lois sur donc c'est un traité anti-contrefaçon pour durcir les lois, un traité international pour durcir les lois sur la propriété intellectuelle. Il y a eu encore une fuite qui a eu lieu au mois d'août, et on en avait parlé la semaine dernière, mais là l'APRIL, donc la principale association de logiciels libres en France, a publié un communiqué là-dessus. Parce que justement, précisément, ça pose pas mal de problèmes dans le logiciel libre, puisque si on met des DRM, donc des méthodes qui vous obligent en fait à utiliser des trucs commerciaux pour pouvoir lire, par exemple les DVD, c'est le cas, hein, on peut pas avoir de DVD libre, on peut pas lire les DVD avec des logiciels libres. Il faut on va durcir encore là-dessus, comme ça on est sûr et certain d'avoir la possibilité d'exclure et d'interdire les logiciels libres via ce biais. On avait une petite rubrique, n'ayez pas peur, faites-nous confiance, est-ce qu'on l'a fait quand même, parce qu'on est un peu à la bourre. Ouais, on est complètement à la bourre, là je pense qu'on va la sauter pour une fois. C'est con, on les garde pour la prochaine fois. Ouais. On garde les infos dossier, pour la prochaine sinon, fois. On va passer au dossier sur la cryptographie des supports de stockage. Qui s'y met, qui commence? Peut-être commencer par Linux et Lux. Alors, déjà présenter un petit peu le concept, le concept de cryptographie des supports de stockage. Donc il y a donc on a tous des clés USB, des disques durs amovibles, parfois on paume sa clé USB. Je pense que c'est assez courant chez pas mal de personnes de un jour ou un autre de n'avoir pas retrouvé sa clé USB. Parfois, on peut avoir des choses assez importantes, des données du boulot, des photos personnelles. T'as des photos de toi à poil sur tes disques durs externes ? Non. Ah non, elles sont sur le mien. C'est possible. voilà, il y a des données qu'il faut parfois protéger, et donc il y a des moyens donc simples, au moins si on perd le support, de... que les données ne soient pas en danger. Donc pour faire ça, il faut chiffrer donc ces données sur ses supports amovibles ou même sur son disque dur. Là par exemple, un portable qui sert pour du travail, s'il est volé, ça met en danger la société. Donc autant chiffrer ces données. Voilà. Donc il y a donc deux façons de chiffrer ces données, soit de chiffrer données par données ou dossier par dossier. Donc il y a un chiffrement atomique au sens strict du terme, ou un chiffrement du disque en entier, donc de la partition ou du disque. Voilà, avec une troisième solution un peu hybride où on va en fait chiffrer un gros fichier qu'on pourra monter en tant que disque virtuel. C'est un petit peu une solution bâtarde entre les deux. Qui s'apparente dans le fonctionnement plus à chiffrer un volume de données. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas, pas vraiment mis en avant. Voilà. Donc au niveau des systèmes d'exploitation, il y a à peu près tous les systèmes d'exploitation qui sont aujourd'hui équipés de systèmes de chiffrement. On va commencer sur... je sais pas, sur GNU Linux C'est parti. Moi, parce qu'il y avait un truc sur Windows, mais tout le monde me regarde, alors je crois que c'est moi qui me tapais le truc sur Windows. Moi, je vais le faire. Hein, si tu veux. De toute façon, c'est rapide, hein, ça pue. Donc, il y a deux systèmes principalement sur GNU Linux. Après, il y en a d'autres qui peuvent être adaptés, soit à partir de systèmes Windows, notamment TrueCrypt, mais je vais plutôt le laisser pour l'article Windows. Donc il y a deux systèmes principalement intéressants, LUX, L-U-K-S pour Linux Unified Key Setup, qui se base donc sur l'outil DMCrypt qui permet donc de faire d'utiliser les différents systèmes de chiffrement et avec Donc là c'est au niveau du système de fichiers. Là c'est au niveau du système de fichiers. Donc au niveau de la partition. Donc voilà. LUX en fait c'est une extension de DMCrypt qui chiffre en AES 256 avec des vecteurs d'initialisation, il me semble, pour chaque bloc, pour éviter que la clé soit toujours la même. Donc qui fonctionne par volume en fait. Il y a un en-tête ça crée un type de partition de type LUX ou avec un en-tête. Donc ça peut être juste peut-être une partition Linux avec un en-tête particulier. D'accord. Qui indique que donc la partition est chiffrée. Et cet en-tête contient aussi la clé qui elle-même est chiffrée. Donc on peut éventuellement retirer cette clé de l'en-tête et la mettre sur un autre support, par exemple une clé USB vide où il n'y aurait que la clé de chiffrement, ce qui permet pour des trucs vraiment très sensibles de pouvoir détruire éventuellement la clé pour qu'on puisse plus accéder au contenu. Accéder aux données du tout. Donc ça crée un conteneur. Ensuite on peut faire n'importe quel système de fichiers dedans. Donc de l'Ext3, du FAT32, du RazorFS. C'est détecté automatiquement sur les principaux environnements graphiques, GNOME ou KDE, en mettant une clé USB chiffrée. Il y a l'en-tête LUX qui va être lu et on va proposer de taper son mot de passe pour ouvrir la clé. Mais le problème, c'est que ça chiffre la clé en entier. Et notamment, si on utilise de la musique, ça n'a peut-être pas besoin de le chiffrer. Ou si on fait du calcul qui a besoin d'écrire vite sur le disque dur, ça ralentit fortement parce qu'il y a un calcul pour chiffrer les données. Donc dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est juste de chiffrer un seul répertoire ou certains types de fichiers. Donc là, ça se passe plus en... Là, c'est plus le super utilisateur qui fait ça, c'est l'utilisateur tout court. C'est l'utilisateur. Alors sous Linux, il y a un système qui s'appelle Fuse, qui permet donc de travailler avec des systèmes de fichiers, avec des disques durs, sans passer avec tous les privilèges, donc juste avec les droits de l'utilisateur qui est sur l'ordi. Donc il y a EncFS, E-N-C-F-S, qui permet donc de chiffrer donc à la volée certains répertoires. La clé va être stockée dans le répertoire source. Chaque fichier du répertoire va être chiffré individuellement, avec pareil la clé en fait, on va lui rajouter 8 bits pour chaque fichier pour éviter que pour éviter qu'il y ait la même clé pour tous les fichiers. Donc c'est un gros avantage, c'est vraiment d'avoir un chiffrement qui est atomique et donc de pouvoir vraiment chiffrer que ce qui est nécessaire. Par contre, c'est un gros désavantage, c'est que on est capable de déterminer la taille de fichier et les dates de modification en fait. Et puis au niveau performance, ça doit pas être génial quand même, parce que Fuse c'est quand même pas le truc le plus performant. Ouais, il y a certains moyens d'accélérer ça, mais c'est vrai que c'est moins performant qu'un chiffrement en espace noyau. Mais c'est quand même pratique de pouvoir chiffrer comme ça à la volée des fichiers sans avoir à se soucier du fait qu'ils sont, ils sont chiffrés ou déchiffrés en fait. C'est transparent du point de vue de l'utilisateur. Ouais. Il tape son mot de passe, sa clé au départ de sa session et, ouais. Et basta. Et donc, alors EncFS, je ne sais pas s'il est disponible sur les autres systèmes d'exploitation. Tous les trucs qui supportent Fuse doivent pouvoir le supporter. Ouais. Et donc sinon pour Lux, donc Linux Unified Key Setup, donc c'est disponible sous Windows via une autre solution qu'on expliquera. Et sur certains systèmes BSD, ça a été aussi porté. Donc, certains, ça doit être free et c'est tout. Ouais, je crois que c'est sur FreeBSD que c'est disponible. Donc voilà. D'accord. Bon, mais en parlant des systèmes BSD. Non, on va d'abord parler de Windows. Non, mais non, la transition était très belle, on va parler des systèmes BSD. Ah bah d'accord. Voilà. Alors, tout seigneur, tout honneur, vas-y, surprise. Super, moi, je suis seigneur. Alors, on va le faire vite, hein, parce que voilà, on est un petit peu pressé par le temps. Donc moi, je vais parler de FreeBSD. Donc FreeBSD, en fait, ils ont une couche d'abstraction du disque qui gère le chiffrement, la journalisation, etc. Ça gère un tas de choses. Et donc c'est ça qui est utilisé également pour le chiffrement. Donc c'est quelque chose de très souple et de très puissant. Donc il y a deux systèmes, il y a GBDE qui est apparu le premier. Alors celui-là c'est un système en fait qui a pour but de protéger non seulement les données mais également la personne, on va dire l'administrateur. Je m'explique, il va stocker la clé classique donc, qui est protégée par mot de passe de façon classique comme les autres systèmes qu'on vient de voir. Et il va également mettre une deuxième clé sur un endroit précis du disque dur. Une clé qui pourrait être détruite avec une simple commande très rapidement. Alors vous allez dire, on peut détruire toutes les données très rapidement. Bah, c'est un peu le but, c'est dans des environnements de haute sécurité où il y a des données qui sont très très sensibles, je sais pas moi, ambassade, banque, etc. Dans le cas Radio Campus. Voilà, Radio Campus, etc. On a vraiment des données. On a la possibilité sensibles. En fait de rendre le disque illisible, vraiment illisible, même si après on tape la clé. Donc avec un message d'erreur qui va bien en disant la clé est bonne mais les clés principales ont été détruites donc impossible de lire. Ça évite sous la menace d'être obligé de donner les clés. Une fois qu'on a tapé cette commande là, les clés principales sont détruites et il n'y a vraiment plus aucun moyen de lire ces données. Donc voilà, donc ça c'est le premier système qui est apparu. Il n'est pas très flexible, il utilise un algo et basta, il a une façon de fonctionner. Il n'est pas très réglable, mais voilà ses objectifs. Protéger à la fois les données et l'utilisateur, on va dire. Après, il y a un système qui est beaucoup plus classique, qui lui n'a que vocation de protéger les données, qui s'appelle Jelly, qui fonctionne, c'est pareil, hein, c'est chiffrement du disque entier. J'ai pas précisé, les deux, c'est chiffrement du disque entier. Et Jelly, il y a beaucoup plus d'options, il est beaucoup plus souple. On va pouvoir utiliser un petit peu les algos qu'on veut, etc. Et Jelly profite également de la couche de crypto de FreeBSD du noyau. C'est-à-dire que tout ce qui va être supporté par FreeBSD, Jelly va pouvoir tourner avec. Un petit exemple, demain il y a un nouvel algo qui sort, c'est implémenté dans FreeBSD, bon, il n'y aura pas besoin de réécrire Jelly, il va pouvoir le supporter. D'accord. Ou par exemple, demain AMD sort un microprocesseur avec des instructions à l'intérieur pour optimiser le chiffrement-déchiffrement, comme il y a actuellement sur VIA, il y a certaines instructions, sur Intel, ou il y a même des coprocesseurs qui s'occupent que de ça. Bon bah dès que quelque chose est rendu accessible par le noyau FreeBSD, ce sera utilisable par Jelly. Donc on va gagner en performance, etc. C'est très souple à ce niveau-là. Voilà, vas-y, OpenBSD. Parce que... OpenBSD, alors le chiffrement de OpenBSD, outre bien entendu des solutions de chiffrement de fichier par fichier, donc on peut faire ça dans plein de systèmes, mais notamment dans OpenBSD, avec des trucs genre GNUPG qu'on avait déjà parlé. On peut faire ça avec OpenSSL, on peut faire ça avec bon, mais ça reste du chiffrement de fichier par fichier. C'est-à-dire, je vais chiffrer une photo, et si j'en ai 10 000, si j'ai 10 000 photos à chiffrer, bah ça va faire 10 000 fichiers, 10 000 photos à chiffrer. Donc c'est un peu emmerdant. On a une solution au niveau des partitions, au niveau des systèmes de fichiers, qui s'appelle BioCTL. BioCTL, c'est un truc qui gère en fait de base les systèmes de fichiers RAID et ce genre de truc. C'est un contrôle pour le BioCTL, donc contrôle pour le driver, pour le pilote bio. Il y a plusieurs disciplines dedans. Il y a une discipline pour le RAID 0, une discipline pour le RAID 1, une discipline pour le RAID 5, et il y a une discipline C pour crypto, et ça permet de chiffrer un disque dur entier en passant par le système de le framework crypto. Qui est la norme sous OpenBSD. Il faut noter en fait tout bêtement que BioCTL a deux limitations qui sont communes à tous les systèmes qui vont être utilisés par BioCTL, donc que ce soit le RAID ou la crypto, c'est que c'est pas supporté par l'installeur pour l'instant. C'est-à-dire qu'à l'installation, vous installez des partitions non chiffrées et derrière vous les chiffrez. Et en plus de ça, c'est pas supporté non plus au démarrage. C'est-à-dire que c'est vous qui devez aller dans les scripts de démarrage, signaler que telle partition se déchiffre en utilisant telle commande. Et alors à ce moment-là, ça va vous demander le script de démarrage que vous aurez rajouté va vous demander de taper votre mot de passe pour déchiffrer la partition. Donc c'est un peu casse-pied pour l'instant, c'est un peu limité, mais y a bon espoir que ça fonctionne, parce que de toute façon c'est le genre de fonctionnalité que les développeurs OpenBSD aiment à pouvoir développer et aiment à pouvoir utiliser également. On va finir par Windows. Allez, Windows. Une petite parenthèse sur le FreeBSD, là, donc c'est tout ce que j'ai dit là, Jelly et GB2. C'est quelque chose de très stable et ça marche très bien. C'est testé, retesté. Voilà. Donc les soft Windows, j'en ai retiré un peu 4, sachant que je suis pas utilisateur de Windows, donc. Mais me regardez pas comme ça. Ah mais je regardais personne, je regarde mes fiches. Donc voilà, donc le premier CrossScript qui est compatible Windows XP et 2000, apparemment uniquement, licence GPL. Donc il supporte l'AES, Toofish, plusieurs trucs. C'est un script, mais il y a une interface graphique qui est disponible. Il prévoit en fait bientôt une compatibilité complète avec AES Loop, qui pour l'instant est partielle. Ce qui donnera quoi? La possibilité d'utiliser plusieurs clés en fait. Plusieurs clés pour stocker. Donc par exemple une partition qui serait partagée entre plusieurs utilisateurs, pourquoi pas, chacun ayant une clé différente et ils pourront tous les deux accéder à même bout de partition. Ouais. Donc c'est sympa, ce qui lui donnera aussi une compatibilité complète avec certains modes Linux. Ouais. Voilà. Toofish également qui donne une compatibilité avec Linux mais côté OpenSUSE. Et voilà. Il a une petite fonctionnalité que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'il peut utiliser une clé dans un fichier chiffré par GNUPG en fait. Donc l'avantage c'est quoi? C'est d'avoir la clé réelle de chiffrement de la partition. On pourra utiliser une clé aléatoire, le genre de clé qu'on ne peut pas retenir, quelque chose de généré aléatoirement, est très robuste, donc pour renforcer un petit peu le code. Et aussi cette clé sera protégée par un mot de passe par GNUPG. Donc un mot de passe qu'on pourra changer éventuellement. Par exemple, un jour vous tapez votre mot de passe sur votre portal, vous êtes dans un cybercafé ou je sais pas quoi, puis vous vous rendez compte après qu'en fait il y a une caméra de surveillance derrière vous, et ça a peut-être filmé mon clavier, je suis plus serein, ou quelqu'un, etc. Bon, vous pouvez facilement changer votre mot de passe sans changer de clé. Donc, dans Lux, c'est la même chose. Il y a la phrase de passe qui peut être changée et oui, conserver le même clé. C'est pour ça que CrossCrypt est compatible, a une compatibilité avec Linux. Voilà. Je passe au suivant de DiskCryptor. Donc lui c'est un full Windows, hein. il tourne sur tout. GPLv3, il supporte AES, Toofish, Serpent. Il supporte aussi pour l'optimisation, les instructions de, justement dont je parlais tout à l'heure, ASNI des processeurs Intel et les padlocks, ces extensions pour les processeurs VIA. Alors celui-là par exemple il est compatible avec les bootloaders Lilo et Grub, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour des partitions chiffrées sur lesquelles on va booter. Donc, voilà. Pour chiffrer sa partition racine. Voilà, pour chiffrer sa partition racine. Sinon, bah, c'est du classique, hein, ça supporte le CD, le DVD qu'on peut, la clé USB, la partition complète, voilà. Voilà. Ensuite, on a TrueCrypt, qui lui est intéressant, dans le sens où il s'utilise sur tous les Windows sauf 2000, je ne sais pas pourquoi. Sur Mac OS X, aussi, il est disponible. Et sur Linux, on pourra le faire tourner via Fuse, comme on disait tout à l'heure. Alors AES, Serpent, Toofish, pareil, ils supportent ça. Ils supportent les disques virtuels, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire on prend un gros fichier qu'on chiffre, et en fait, on va le monter en tant que fichier. En tant que partition, pardon. Etc. Il y a FreeOFTE sous Windows et Windows Mobile. Alors lui, l'avantage, eh ben, c'est que Windows et Windows Mobile... Donc ça peut être sympa d'avoir sur son petit PDA un petit truc chiffré. Sinon, il est compatible Linux aussi via plusieurs choses. Et voilà, je crois que je vais arrêter là pour les Windows. Parce qu'on arrive un petit peu au bout de notre horaire. Non, il en reste encore 5 minutes à ma montre. Oui. Ah, 4, oh là là. Donc voilà, donc en fait, il existe des systèmes de chiffrement en fait. On a pas mal parlé de crypto cet été, donc chiffrement des emails, le chiffrement des flux web, donc HTTPS, le chiffrement des emails, donc on avait parlé de GNUPG. Ouais. Là en fait c'est un petit peu le pendant de tout ça. On a parlé de chiffrement de communication en ligne. Là c'est le chiffrement de documents hors ligne, donc sur votre ordinateur vous pouvez rendre illisible des documents. C'est des logiciels, ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, on a parlé que de logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels dans lesquels vous pouvez avoir confiance, pas des logiciels qui sont vérolés par le gouvernement ou par une entreprise quelconque qui fonctionne éventuellement avec les autorités. Ce sont des logiciels libres développés par la communauté, donc des logiciels libres et ouverts. Enfin, pas forcément toujours libres, mais ouverts, ça c'est sûr. On a également, ce sont des logiciels qui fonctionnent sur toutes les plateformes et des logiciels qui sont simples à utiliser à partir du moment où on a quelques bases en crypto. On avait parlé en fait dans l'émission du guide d'autodéfense numérique, c'est chez guide.boom.org et faut le lire en fait, il y a pas mal de documentation qui va être intéressante là-dessus. Voilà, et là je te mets au défi de nous faire un agenda en 2 minutes. Allez, alors 2 minutes agenda, donc samedi 18 et dimanche 19 septembre, il y aura le Hacktivity 2010 à Budapest en Hongrie. activity.hu/portal. Il y aura encore comme d'habitude pas mal de PDF à lire suite à cette conférence. Du mercredi 22 au samedi 25 septembre, ce sera le Brucon à Bruxelles, 2010.brucon.org, et il y aura pas mal d'infos aussi et de bonnes choses qui se passeront à cette conférence. Samedi 25 septembre 2010, on en a parlé tout à l'heure, ce sera notre crypto party, donc au CCL, Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar, métro Porte des Postes, ce sera à partir de 15h. Dimanche 26 septembre, ce sera la prochaine émission de Random, ce sera Random 24. Vendredi 1er octobre 2010, ce sera le Meeting 2006 en Lille. Rendez-vous 19h30, Grand Place, comme tous les mois. Toutes les infos sur www.2600lille.org. Et puis du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 2010, ce sera le Plastic Hackerspace Festival 2010, au TMP Lab à Vitry-sur-Seine. Toutes les infos sur www.tmplab.org, et on en a déjà parlé dans les émissions précédentes. J'ai fini mon agenda. Trop rapide. Alors là, tu m'as bluffé. Et il est 19h58. Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir même la possibilité de passer... Non, j'ai 45 secondes à l'heure de campus. À l'heure de campus. Il nous reste 45 secondes. Bon, et bien 45 secondes, on vous souhaite donc une excellente soirée. Bah oui, voilà. On se donne un rendez-vous dans 2 semaines, ce sera Random 24. Ce sera donc, comme je viens de l'annoncer, le 26 septembre. Voilà. 106.6 FM, vous êtes sur Radio Campus, là on va vous laisser avec l'émission de votre émission d'électro préférée avec Choupa Pimento. Voilà, et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.